Décembre 1993. Un gros homme, revolver à la main, essaie de s'enfuir en gagnant un toit. Plusieurs rafales d'armes automatiques, il tombe, c'est la fin. L'homme est mort, le plus grand bandit du XXe siècle est éliminé. Il s'appelait Pablo Escobar. Ce Colombien avait tué ou fait tuer des dizaines de juges, de policiers, plusieurs hommes politiques et des centaines d'innocents. C'était l'un des 10 hommes les plus riches du monde, une fortune acquise grâce au trafic de cocaïne. La semaine passée, M. X a raconté l'histoire de ce personnage hors du commun qui a dominé l'histoire de la Colombie pendant 2 décennies et qui était devenu une des cibles prioritaires des autorités américaines dans le cadre de leur lutte contre le trafic de drogue. Et c'est certainement l'engagement américain, et en particulier la mise en place de systèmes d'écoute très sophistiqués, qui a permis de venir à bout de Pablo Escobar. Mais, d'après mon interlocuteur, cette implication des États-Unis n'était pas dénuée d'arrière-pensée. En effet, il s'agissait aussi de lutter contre les guérillas d'obédience marxiste présentes en Colombie. Des guérillas liées aux narcotrafiquants et qui sont responsables de la guerre civile qui ensanglante le pays depuis près d'un demi-siècle. Assassinats, attentats, enlèvements ne cessent de se succéder. Et la principale de ces guérillas, les FARC, c'est-à-dire les Forces armées révolutionnaires colombiennes, contrôlent des régions entières de la Colombie. Rappelons que ce sont les FARC qui ont enlevé Ingrid Betancourt il y a un an et demi, une otage parmi des centaines d'autres. Depuis la liquidation de Pablo Escobar, une liquidation qui n'a pas permis de réduire le trafic de drogue, les Américains sont toujours plus engagés en Colombie, toujours sous le prétexte de démanteler les réseaux de la drogue. Monsieur X se propose de décrypter ce que cache cette guerre secrète qui a déjà coûté aux États-Unis plusieurs centaines de millions de dollars. Demain sera un autre jour. Demain, demain, toujours demain. Demain, tu trouveras l'amour. Demain, demain, toujours demain. Demain, la chance tournera. Demain, demain, toujours demain. Demain, la vie vous sourira. Demain, demain, toujours demain. Demain, on nous dira demain. Demain sera toujours demain. Pour qu'ils sont nombreux les demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain l'endemain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain l'endemain s'éternise. Demain des courages aujourd'hui. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain des courages aujourd'hui. Demain j'arrête, c'est promis. Demain c'est sûr, on vous l'a dit. Demain, demain, toujours demain. Demain ceci, demain cela. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, j'entends que ça. Demain, demain, toujours demain. Demain, nous disons tous demain. Quand c'est arrivera demain. Demain sera toujours demain. Pour qu'ils sont nombreux les deux. Demain c'est la terre promise, demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise, demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise, demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise, demain des courages aujourd'hui. Demain c'est la terre promise. Demain, France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'élimination de Pablo Escobar, le démantèlement de la formidable organisation qu'il avait mise sur pied... Le cartel de Médine. Oui, mais tout ça n'a rien donné. L'autre cartel, qui a d'ailleurs puissamment aidé les autorités colombiennes à se débarrasser d'Escobar, celui de Cali, a d'abord pris la relève. Mais les deux frères qui étaient à sa tête ont été à leur tour neutralisés et arrêtés. Mais d'ailleurs, il y a un des frères là qui vient d'être... qui avait été relâché, et puis qui a de nouveau retourné en prison. Et pourtant, la production et le trafic de cocaïne n'ont jamais été aussi florissants. Mais comment expliquez-vous ça? Oh, c'est très simple. Le trafic a été atomisé. Désormais, il existe une kyrielle de petits groupes qui vivent de la cocaïne. Ça rend le travail de la police d'autant plus difficile. Ouais, et puis, même vous dites, il y a les guérillas. Naturellement, dans les zones qu'elles contrôlent, elles supervisent la production de drogue. Et ça représente une partie importante de leur financement. Mais il y a aussi leurs adversaires, les paramilitaires, comme on les appelle. Des milices privées d'extrême droite qui, parallèlement à la police et à l'armée, luttent à leur façon contre les guérillas. Et ces milices, alors, vivent également du trafic de drogue? Parfaitement, j'y reviendrai. C'est donc un cercle vicieux infernal, et il faudrait aussi parler de la corruption du personnel politique et militaire. Bref, cette question de la drogue est un véritable cancer qui mine l'État colombien. Et ça ne pouvait pas laisser indifférents les Américains qui avaient déjà joué un si grand rôle quand il s'était agi de traquer Pablo Escobar. Mmh. Oui, parce que, bon, on l'a déjà dit, mais enfin, il faut le rappeler, ce trafic de drogue les concernait au premier chef. Bien sûr, la cocaïne est prioritairement destinée au marché américain. Mais j'ai déjà évoqué ce point la semaine passée. Il y avait aussi la présence de ces guérillas marxistes, une présence qui contrariait au plus haut point Washington. C'est pour toutes ces raisons qu'a été mis au point le plan Colombie. Le plan Colombie, là, de quoi s'agit-il? Expliquez-moi. Ce plan s'appelle officiellement Plan pour la paix, la prospérité et le renforcement de l'État. Enfin, pour tout le monde, c'est le plan Colombie. Il a été mis au point sous la présidence de Bill Clinton en septembre 1999 et signé en août 2000 avec Andrés Pastrana, le prédécesseur de l'actuel président colombien. Quels sont les objectifs de ce plan alors? Mais il y a les objectifs officiels et ceux qui le sont moins. Alors voyons ça de plus près, si vous voulez bien. C'est Pastrana qui a pris l'initiative. Selon lui, la meilleure manière de lutter contre les cultures de coca, c'était d'aider les paysans colombiens à produire des cultures de substitution rentables. Plus rentables en tout cas que celles de la coca. Ça me paraît raisonnable. Et quelles cultures par exemple? Les fleurs, les piments ou des plantes utilisées dans l'industrie textile. Mais pour atteindre cet objectif, il fallait obtenir des États-Unis des aides concrètes et par exemple qu'ils abaissent les taxes sur l'importation de ces produits sur leur territoire. Réponse de Washington? Clinton n'est pas le seul maître du jeu. Au Congrès, ce sont ses adversaires républicains qui sont majoritaires. Mmh. Or, le président Pastrana n'est pas très bien vu, c'est le moins qu'on puisse dire, par les conservateurs américains. Pourquoi? Parce qu'il a engagé des négociations avec les FARC pour en finir avec la guerre civile. Il a pris une décision spectaculaire. La création d'une zone démilitarisée au cœur même de la Colombie, c'est-à-dire un immense territoire où les guérilleros des FARC peuvent aller et venir à leur guise. Cette initiative est très mal prise par les généraux colombiens et par leur relais aux États-Unis, les républicains américains. Donc Clinton, minoritaire au Congrès, ne peut pas répondre positivement au président Pastrana. Mais par contre, parce qu'il est certain de recueillir l'appui des républicains, il propose au président colombien une aide essentiellement militaire. Le but est double, la lutte anti-drogue et accessoirement la lutte anti-guérilla, puisque les FARC sont accusés de participer au trafic. Mais ça, c'est au moins une aide de la clarté. Tout à fait. Et pour remplir ce double objectif, les États-Unis vont mettre sur la table une somme énorme. Plus de 7 milliards de dollars sur plusieurs années. D'accord, mais... Mais pratiquement, qu'est-il envisagé? Il s'agit essentiellement d'aider, je vous l'ai dit, l'armée colombienne, de l'aider en l'équipant avec les matériels les plus modernes, mais aussi de l'encadrer et de l'entraîner. Oui. Plus question donc des cultures de substitution. Hein. Oui. Et c'est une intervention très directe. Oui, et aujourd'hui, de nombreux militaires américains se trouvent toujours en Colombie. Et ils ne se contentent pas d'instruire les soldats colombiens, ils sont aussi engagés sur le terrain. Enfin, ça, on en reparlera. Oui, d'accord, mais... La lutte contre la drogue elle-même. Les Américains misent tous sur la technologie. D'abord, ils mettent au point un système de reconnaissance des champs de coca par satellite. Ne me demandez pas d'explications techniques que je serai incapable de vous donner. Je sais simplement que ces plantes émettent des radiations très particulières. Ensuite, à partir de ces repérages géographiques, les cultures sont éradiquées par fumigation. Fumigation, ça... Des petits avions épandent au-dessus des champs des produits herbicides. Un procédé qui avait déjà été utilisé au Vietnam. Hein. Oui, le fameux agent orange qui a fait crever une partie de la jungle vietnamienne afin de mieux repérer les soldats du Viet Cong. Mais en Colombie, c'est un produit moins destructeur qui va être utilisé. Il est connu des agriculteurs sous le nom de Roundup. Ouais, je connaissais C'est un herbicide systémique, c'est-à-dire qu'il est absorbé par le feuillage et descend dans les racines. Je ne vous savais pas si ça va. Tous les amateurs de jardin ont entendu parler de ce produit qui est en principe, hein, je l'ai mis en principe, biodégradable. Ouais, enfin, c'est ce que prétend son fabricant, la multinationale Monsanto, je crois. J'en doute. Et son usage massif n'est certainement pas anodin pour l'environnement et la santé des habitants. En outre, cet herbicide détruit absolument tout. Ouais, c'est-à-dire les cultures illégales comme les autres. Ça veut dire que le petit paysan colombien qui, à côté de son champ de coca, cultive un potager nécessaire à sa subsistance, voit aussi ses légumes dépérir. La conséquence aussi, c'est que s'il ne veut pas mourir de faim, il est obligé de partir de chez lui. Mmh. Et ces fumigations, comme vous dites, ont été entreprises sur une grande échelle ? En 2001, on estime que plus de 50 000 hectares de coca ont été ainsi détruits. C'est énorme, ça. Peut-être, oui. Mais on a replanté beaucoup plus dans les zones reculées. La coca est une plante qui se cultive très bien. Il suffit de défricher un bout de jungle et le tour est joué. Quand l'éradication de la coca a commencé, il y avait 120 000 hectares plantés. Aujourd'hui, les spécialistes estiment qu'il y en a plus de 160 000. Échec complet, non ? Et sans compter la dégradation de l'environnement. De plus, en opérant ainsi, on a jeté des paysans dans les bras des FARC qui sont apparus comme leurs véritables défenseurs. Dans les zones que les guérillos contrôlent, il est bien plus difficile de procéder à ces fumigations. Un petit avion, c'est très vulnérable. Or, les FARC disposent d'un armement très efficace. Grâce à l'argent de l'Europe. Naturellement. En fait, le plan Colombie a été faussé depuis le départ. C'était le président Pastrana qui avait raison. Il fallait d'abord s'attaquer aux racines du mal, c'est-à-dire permettre aux paysans colombiens de vivre décemment sans être obligés de cultiver la coca. Le développement économique, voilà quelle était la bonne solution, surtout dans un pays où 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais on a choisi une autre méthode, la guerre. C'était peut-être pas tout à fait innocent. Bien sûr que non. Et pour de multiples raisons, il y avait d'abord la fantastique manne financière mise à la disposition du plan Colombie, une manne qui provoquait beaucoup de convoitises. En Colombie, où évidemment quelques officiers généraux se sont débrouillés pour détourner quelques millions de dollars. Mais surtout aux États-Unis, ce sont essentiellement des firmes américaines qui en ont profité. Et pas les Colombiens, enfin, vous avez des exemples ? Parfaitement. Ce système de repérage par satellite a coûté très cher. Ce sont des entreprises américaines, high-tech, qui l'ont conçu et réalisé. Et comme à chaque fois que des Américains sont impliqués dans une affaire extérieure, il a fallu sécuriser les communications. Ça aussi, c'était très onéreux. D'autre part, des centaines de millions de dollars ont été consacrés à l'achat d'hélicoptères américains, dernier cri, dotés d'une formidable puissance de feu. Des hélicoptères pour l'armée colombienne, alors. Oui, en principe pour protéger les vols des avions défoliants. Mais je vous pose la question, les Colombiens avaient-ils besoin d'appareils aussi performants ? Enfin, justement, ces fameuses fumigations au-dessus des champs de coca, c'est une entreprise privée américaine, DynCorp, qui a obtenu ce très juteux contrat. Et ici, si vous le permettez, je voudrais faire une parenthèse. Je vous en prie. Certains des pilotes de cette compagnie chargés de détruire la coca ont été pris la main dans le sac. Non seulement ils consommaient de la cocaïne, mais ils ont profité de leur entière liberté d'action pour participer eux-mêmes au transport de drogue. Embarrassant, ça. Oui, très embarrassant pour les Américains, oui. Mais je reviens à ce que je disais. La plus grande partie du budget du plan Colombie a permis à des firmes nord-américaines de faire d'excellentes affaires. Et ça continue, ça ? Bien entendu. George Bush s'est empressé de faire reconduire ses budgets colossaux, même si le résultat sur le terrain est insignifiant. France Inter, rendez-vous avec X. Au mois de juin 2002, un journaliste de Rolling Stone analyse le plan Colombie qui s'appelle désormais l'initiative Andine antidrogue. Il revient en particulier sur l'achat de ces hélicoptères dont a parlé M. X. 234 millions de dollars ont été débloqués pour produire 18 hélicoptères américains Black Hawk dans le Connecticut. Tout le monde est d'accord sur trois points. Ces hélicoptères militaires sont de véritables merveilles technologiques. Ils sont incroyablement coûteux et compte tenu de leur puissance de feu et de leur capacité de déplacement, leur mobilisation dans le cadre d'une lutte contre la drogue est une décision pour le moins curieuse. Attribue-t-on des Maserati aux auxiliaires de police. Alors, pourquoi ces machines redoutables font-elles partie du plan Colombie? Il s'avère tout simplement que les Black Hawk sont là pour dissuader les agriculteurs réticents, les narcotrafiquants et les guérilleros de tirer à vue sur les employés de DynCorp lorsqu'ils survolent leur culture avec des avions pulvérisateurs chargés de défoliants. Tout cela est théorique car en réalité ces hélicoptères constituent des cibles toutes désignées pour les guérilleros. D'un seul coup de feu bien dirigé, des insurgés armés d'un simple fusil peuvent tuer des dizaines de personnes et faire perdre aux États-Unis ou à la Colombie des dizaines de millions de dollars. Et comme si ces hélicoptères ne suffisaient pas, un budget additionnel de 120 millions de dollars a été débloqué pour permettre l'intervention d'hélicoptères supplémentaires, ce qui porte le budget destiné aux hélicoptères à 354 millions de dollars, soit 40% du budget global du plan Colombie. En fait, vous l'avez compris, ce plan Colombie est d'abord dirigé à lutter contre la guérilla. Oui, la lutte antidrogue n'étant qu'un prétexte, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ouais. Peut-être, mais enfin, puisque vous m'avez dit que la guérilla, en particulier les FARC, est étroitement impliquée dans le trafic de drogue, il n'est nullement choquant de combattre la guérilla. C'est juste, mais rassurez-vous, je ne suis pas un défenseur des FARC, bien au contraire. J'espère. Merci de votre confiance. Alors, même si nous en avons parlé un tout petit peu la semaine passée, il faut peut-être en dire un peu plus sur ces FARC. Volontiers. Cette guérilla est directement issue de la guerre civile de la fin des années 40, qui a duré 5 ans et fait des dizaines de milliers de morts. La violencia. Oui, à la suite de ces terribles événements, les guérilleros communistes n'ont pas désarmé et ont pris le maquis. C'est-à-dire qu'ils se sont réfugiés dans la jungle et les montagnes. Et il a même existé en plein centre du pays une zone d'autodéfense, une sorte de territoire indépendant, géré par des paysans sans terre et quelques intellectuels marxistes. Les FARC sont nés de cette situation insurrectionnelle qui a bien sûr été durement réprimée par l'armée. Donc ce sont des communistes, hein? Incontestablement. Mmh. Et comme vous pouvez l'imaginer, ils ont bénéficié à partir de 1959 de la sympathie et même de l'aide active du régime castriste. On a assisté ensuite à plusieurs scissions dues en particulier à l'éclatement du mouvement communiste international. Entre Russes et Chinois. Oui, enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, ça serait peut-être un peu trop compliqué. Enfin, il reste que cette guérilla est l'une des plus vieilles du monde contemporain et que malgré de nombreux revers, elle demeure une force puissante, pratiquement inexpugnable. Et son leader, Manuel Marulanda, qui doit avoir plus de 70 ans, résiste toujours. Mmh. Quels sont ses moyens réels, enfin, je veux dire, aujourd'hui? Généralement, on pense que les FARC regroupent une petite vingtaine de milliers de combattants. Une véritable armée, hein? Ah, vous avez raison de parler d'armée. Les combattants des FARC sont habillés, équipés et payés comme s'ils appartenaient à une troupe régulière. Mais sur le terrain, c'est peut-être un petit peu différent. Pour des raisons stratégiques, ces soldats sont répartis en unités de 100 ou 200 hommes, car les FARC sont présentes dans de nombreuses régions du pays. En dehors même de cette zone démilitarisée qui leur a été concédée par le président Pastrana lors du processus de paix. Et ces ressources, alors c'est uniquement la drogue? Non. La drogue sous forme de taxes sur la culture de la coca et du pavot et leur transformation en cocaïne ou héroïne représente, semble-t-il, à peu près la moitié du financement des FARC. Alors le reste? Ces ressources sont multiples. Il y a ce qu'on appelle l'impôt révolutionnaire. Ouais, qui n'est bien souvent qu'une forme de racket. C'est évident. Sous la menace d'attentats ou même d'assassinats, des industriels, les grands propriétaires terriens paient. Mais les FARC possèdent elles-mêmes de grands domaines fonciers et gèrent l'exploitation de mines d'or. Et puis il y a les enlèvements contre rançon. C'est malheureusement une véritable industrie en Colombie. J'ai eu connaissance de chiffres récents. En 2001, on a compté 3000 enlèvements. C'est énorme. Actuellement, les FARC détiennent près d'un millier d'otages. Mais non, une grille de Bettencourt. Hein. Puis il y a la violence quotidienne. Oui, pour cette même année 2001, près de 4000 innocents ont péri à cause de cette guerre civile. Et des dizaines de milliers d'autres ont tout perdu parce qu'ils ont dû fuir le théâtre de la guerre ou parce qu'ils ont tout abandonné à cause des épandages d'herbicides. En outre, vous l'avez certainement noté, Les FARC ont entrepris une nouvelle campagne d'attentats très spectaculaire au cœur des villes. Comme l'attentat là, contre un club privé à Bogota il y a très peu de temps. C'est exact, oui, un club où se réunit habituellement l'élite colombienne et qui était pourtant très surveillée. Il y a eu plus de 30 morts, je vous le rappelle. Quelques mois plus tôt, le jour de l'investiture du nouveau président, Álvaro Uribe, les guérilleros avaient tiré au lance-roquettes sur le palais présidentiel. Bilan, une vingtaine de morts. C'était une déclaration de guerre au nouveau président. Oui, car Uribe a été élu sur un programme clair, la lutte à mort contre les guérillas. Il a donc, il a donc rompu radicalement avec la politique de son prédécesseur. Oui, Pastrana avait pensé qu'on pouvait discuter avec les FARC. Il a même concédé une zone où les guérilleros régnaient. Toute tranquillité. Et où ils pouvaient se livrer à leur trafic sans difficulté. Pour Uribe, plus question de discuter. Il a d'ailleurs des raisons très personnelles de vouloir éradiquer les FARC. Son propre père a été tué par les guérilleros et lui-même, avant d'être élu, a échappé à une quinzaine d'attentats. Une quinzaine, hein. Alors lui, il a choisi de se battre. Et aussi de coopérer encore plus étroitement avec les États-Unis. Il faut d'ailleurs remarquer que tout de suite après cet attentat meurtrier contre ce club privé, George Bush a demandé au Congrès de nouveaux moyens pour lutter contre le terrorisme en Colombie. Mais auparavant, le président américain avait déjà décidé de renforcer considérablement le plan Colombie. Des aides supplémentaires. Essentiellement une aide militaire de plusieurs centaines de millions de dollars. Eh ben, voyons. La Colombie est maintenant le pays le plus aidé par les États-Unis, après Israël et l'Égypte. Et Washington a fait un pas supplémentaire en autorisant officiellement les forces colombiennes à utiliser les moyens militaires mis à leur disposition pour lutter contre les narcotrafiquants. Parce que ce n'était pas encore le cas ? Bien sûr que si. Mais dorénavant, c'est officiel. Ces hélicoptères si puissants, ces systèmes d'écoute très sophistiqués et tous les instructeurs américains qui se trouvent en Colombie sont engagés dans la lutte contre les guérillas. Attends, pour les Américains, là, est-ce que ça fait partie du combat qu'ils ont engagé contre le terrorisme international ? C'est probable. À Washington, on pratique aisément l'amalgame. Mais pour être tout à fait honnête, il faut reconnaître que sur un point au moins, les Américains n'ont pas tort. Les narcotrafiquants ont certainement des connexions internationales, ne serait-ce qu'avec les mafias qui vendent des armes. Car c'est la drogue qui permet aux FARC de s'armer aussi puissamment. Oui. Est-ce qu'un attentat, enfin, comme celui de Bogota, là, dont on vient de parler, annonce un changement de stratégie des FARC ? C'est possible. On risque d'assister au développement de la guérilla urbaine. Les FARC ont récemment créé des unités spéciales, les milices bolivariennes qui sont justement chargées de frapper au cœur des villes. C'est une réplique au président Uribe qui a décrété l'état d'urgence pour mieux combattre la guérilla. Et cet état d'urgence, là, ça se traduit comment ? Armée et police peuvent désormais pratiquer les arrestations ou des perquisitions sans mandat judiciaire. Il existe même aujourd'hui des zones où l'armée dispose de tous les pouvoirs. En outre, Álvaro Uribe peut gouverner par décret sans en référer au Congrès. Mais ce qui irrite au plus haut point les FARC, c'est l'implication de plus en plus grande des paramilitaires, comme on les appelle. Les paramilitaires qui accusent les guérilleros ne sont que des auxiliaires de l'armée colombienne. Chargés de faire le sale boulot. Ouais, c'est à peu près ça. Des miliciens d'extrême droite qui seraient très proches du président Uribe. Inter, rendez-vous avec X. On va bien sûr reparler de ces paramilitaires qui jouent un rôle de plus en plus important dans cette guerre civile qui déchire la Colombie depuis plus d'un demi-siècle. Mais auparavant, revenons un instant sur les rapports des guérilleros avec le trafic de drogue. Récemment, le général José Serrano, ancien directeur de la police colombienne, a accordé une interview au journal madrilène ABC. Il estime que les FARC, entre 1998 et 2002, c'est-à-dire pendant le processus de paix initié par le président Pastrana, ont gagné 2 milliards de dollars grâce à la drogue. Et il affirme que le trafic s'est justement développé pendant cette période du processus de paix. Voici un extrait de cette interview. Les années 80 étaient les années mafieuses. Le capot Pablo Escobar voulait figurer sur la liste Forbes des milliardaires et rivaliser avec Al Capone. Mais ces narcotrafiquants ne faisaient pas le poids et ont fini par tomber. En revanche, la guérilla est habile. Elle nous a fait croire à un faux processus de paix parce qu'elle savait que le trafic de drogue lui permettrait de se renforcer. Les FARC ne feront jamais de proposition de paix parce qu'elles sont habituées à vivre comme des narcotrafiquants. Une guérilla qui boit du whisky et possède l'air conditionné dans la forêt est une guérilla sans idéal. J'ai du mal à imaginer Lénine ou Staline avec un sac de coca sur les épaules. Ils doivent se retourner dans leur tombe s'ils voient ces nouveaux représentants du communisme. Et le policier d'ajouter, la zone de détente a eu de bons côtés. Nous avons découvert qui étaient vraiment les FARC. Nous avons découvert que les guérilleros étaient des narcotrafiquants, chose qu'il avait été impossible de prouver auparavant, et nous avons réussi à susciter l'intérêt de la communauté internationale. Quand sont apparus ces paramilitaires en Colombie ? Au milieu des années 80, et sous diverses formes. Certains grands propriétaires terriens ont créé de toutes pièces des milices privées pour se défendre contre les guérilleros ou pour mieux asservir les paysans qui travaillaient sur leurs terres. D'autre part, il est certain que les services de sécurité colombiens, à l'instar d'autres polices sud-américaines, ont été tentés de mettre en place des groupes armés parallèles pour lutter contre l'opposition. Une sorte d'escadron de la mort. C'est cela, oui. Puis enfin, il y a les narcotrafiquants. C'est Pablo Escobar le premier qui a eu l'idée de créer une milice privée pour encadrer ses activités. Les protéger, vous voulez dire. Oui, et pour entraîner ses hommes, il a fait appel à un mercenaire israélien. Mais ça se retournera contre lui puisque certains d'entre eux feront partie de cette organisation clandestine dont je vous ai parlé, Los Pepes. Oui, une organisation qui participera à la traque de Pablo Escobar. Et qui assassinera méthodiquement ses proches. C'est donc dans ce terreau de mercenaires que sont nées les forces paramilitaires. Elles sont aujourd'hui unifiées sous l'appellation Autodéfense Unie de Colombie. Et leur chef est un certain Carlos Castaño. Ouais. Cette organisation est illégale, j'imagine ? En principe, oui. Ouais. Elle figure même depuis peu sur la liste noire des mouvements terroristes dressés par Washington. Mais la réalité est tout autre. Car ni les Américains, ni le président Uribe ne peuvent voir d'un mauvais œil une force paramilitaire qui combat avec une efficacité certaine les FARC. Les paramilitaires ont par exemple chassé les guerrieros de la zone atlantique. Oui. Alors, pourquoi ne pas reconnaître officiellement leur existence s'ils sont réellement efficaces ? Pour deux raisons. D'abord, ces paramilitaires violent systématiquement les droits de l'homme. On leur attribue la majorité des exactions commises dans le pays, assassinats collectifs, tortures, etc. Oui, plus que les FARC alors. Oui, oui. Ensuite, il y a le fait que ces troupes parallèles sont largement financées par le trafic de drogue. Elles aussi, là. Oui, je n'invente rien. C'est leur chef, Carlos Castaño, qui l'a lui-même reconnu dans une interview donnée à un journal espagnol. Et aujourd'hui, plus de la moitié de la drogue colombienne, et il y en a pour des centaines de tonnes, est exportée à partir de ports qui se trouvent dans les zones d'influence des paramilitaires. Dans ces conditions, il est difficile pour Uribe de reconnaître qu'il entretient des liens avec eux. Pourtant, d'après vous, il existe au moins une alliance objective. Ça, c'est certain. Et Castaño jouit d'une quasi-impunité. Sinon, comment pourrait-il se déplacer en hélicoptère dans tout le pays sans être jamais inquiété ? J'ajoute que ces types d'extrême droite, outre le trafic de drogue, utilisent les mêmes méthodes que les FARC. Ils rackettent les industriels et les grands propriétaires terriens qui payent ainsi la protection qui leur est offerte. Ou imposée. Et bien entendu. Enfin, ils n'oublient jamais de s'emparer des terres abandonnées par les paysans chassés par la violence. À leur façon, ils procèdent à une véritable contre-réforme agraire. Ouais. Vous avez parlé de leur efficacité militaire, mais peuvent-ils faire jeu égal avec les FARC ? Ils sont sans doute un peu moins nombreux, mais eux aussi sont très bien armés. Et ils disposent du soutien occulte de nombreux cadres de l'armée qui sont idéologiquement très proches d'eux. Ça explique qu'ils créent de vraies difficultés aux FARC. Mais pourront-ils les vaincre ? Je ne sais pas. Mais leur progression est réelle. Et au fur et à mesure de leur avance, ils constituent ce qu'ils appellent des zones de sécurité. C'est-à-dire des zones où il n'y a plus de guerrieros. Oui, et certaines de ces zones intéressent bigrement les Américains en particulier. Pourquoi ? À cause des ressources pétrolières qui s'y trouvent. Il faut savoir en effet que de plus en plus, les approvisionnements pétroliers des États-Unis proviennent de l'Amérique latine. Ils sont déjà plus importants que ceux du Golfe Persique. La Colombie, avec ses 700 000 barils quotidiens, est d'ores et déjà devenue un important fournisseur pour l'Amérique du Nord. Et les spécialistes estiment qu'elle pourrait exporter encore beaucoup plus. Est-ce qu'il y aurait d'autres gisements potentiels ? Oui, mais il y a les FARC. les FARC qui s'en prennent régulièrement au pétrole gringo, comme elles disent. Il existe au nord du pays un oléoduc qui achemine le pétrole d'une importante multinationale, l'Oxy, c'est-à-dire l'Occidental Petroleum, et cela vers la côte atlantique. Mmh. Eh bien, ce pipeline a déjà été attaqué plus de 1000 fois par les guérillas. Et l'exploitation a dû être arrêtée des mois durant. Ouais, ça coûte cher, j'imagine. Bien entendu. Puis il y a aussi le pétrole qui a été répandu dans la nature, sans doute l'équivalent d'un supertanker. C'est si préoccupant pour les autorités colombiennes que toute la zone, plus de 11 000 hectares, est désormais occupée par l'armée et des instructeurs américains. C'est devenu une de ces zones d'exception où les militaires détiennent tous les pouvoirs. Et où, et ça démontre une nouvelle fois la collusion entre l'armée et les paramilitaires, ces derniers vont et viennent à leur guise. Oui, mais est-ce qu'au moins ça a sécurisé la zone? Bah, même pas complètement. Deux puits ont été dynamités depuis que cette zone d'exception a été décrétée. Ouais. Les FARC sont donc une menace permanente pour l'exploitation de pétrole. Oui, oui, et puis il y a toutes ces zones contrôlées par les guérillos, des zones riches en ressources pétrolières qui ne peuvent pas être exploitées à cause de la présence des FARC. Dans ces conditions, vous comprenez bien que chaque avancée des paramilitaires est une bénédiction pour les pétroliers américains. Mmh. Et eux aussi payent les... Ben, ça leur est bien égal de verser une redevance aux paramilitaires à partir du moment où ils peuvent commencer à faire des forages. Alors, imaginez bien que la lutte contre les narcotrafiquants passe vraiment au deuxième plan. Oui, parce que ces paramilitaires si utiles sont maintenant les principaux... trafiquants de drogue en Colombie. Et ça explique aussi pourquoi la partie lutte anti-drogue du plan Colombie est un échec, puisque la coca est cultivée sur des surfaces toujours plus grandes. Mmh. Mais, je reviens à ça. Est-ce que vous n'avez pas tendance quand même à toujours voir le pétrole partout? Parce que vous n'êtes pas convaincu. Bah... Non, je vous l'assure, ce qui motive vraiment les Américains, c'est le pétrole. Peu leur importe la présence en Colombie d'une guérilla marxiste. La guerre froide est finie. Et ils ne veulent anéantir les FARC que parce que cette guérilla est une menace pour leurs intérêts économiques. Et leur projet pétrolier, donc. Et c'est pour cela qu'ils ont pris pied en Colombie et qu'ils y sont maintenant tellement présents qu'ils dictent leur politique au président Uribe. Vous n'exagérez pas, là? Non, pas du tout. Mais si vous estimez une fois de plus que je fais de l'anti-américanisme primaire, hein, reportez-vous au terme même du plan Colombie, tel qu'il a été amendé par le sénateur républicain. Et à mon avis, vous devez trouver ça sur Internet. On y lit clairement que le gouvernement américain doit insister auprès de son homologue colombien afin qu'il engage les réformes urgentes destinées à ouvrir complètement son économie à l'investissement et au commerce extérieur, particulièrement à l'industrie du pétrole. C'est clair, non? Confirmation est donnée par William Raymond, auteur d'un livre intitulé « Mafia et ça » publié par Flammarion. Page 283, je lis par exemple ceci. Caquetá et le Putumayo, deux régions de Colombie où la présence combinée de la guérilla, des paramilitaires, des troupes officielles, des cartels, de la DEA, de la CIA, des représentants de certaines multinationales US et des avions d'épandage, pourrait avoir une autre motivation que la seule guerre contre la drogue. Partageant ses frontières avec l'Équateur, Caquetá et Putumayo sont en effet deux immenses réserves de pétrole. Or, il semble que de l'or blanc à l'or noir, il y a un pas que beaucoup sont prêts à franchir. L'avancée des troupes paramilitaires avec son cortège de violence a vidé ces régions de près de 1000 paysans. Les terres abandonnées ont été transformées depuis en zones de recherche d'hydrocarbures. L'arrivée de George Bush Jr. à la Maison Blanche, l'imposant soutien financier des compagnies pétrolières US en général, texanes en particulier, à sa campagne, la crise énergétique traversant l'Amérique, constituant autant de données à garder en mémoire lorsqu'il s'agira de comprendre l'évolution du plan Colombie dans les années à venir. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez avoir des informations concernant cette émission et vous pourrez même réécouter l'émission.